po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Alors la pièce de Dario Fo, Mort accidentelle d'un anarchiste, est basée sur l'aventure, ou la mésaventure plutôt, arrivée à un anarchiste italien du nom de Pinelli, une aventure vraie comme on dit, et c'est cette aventure vraie qu'on va tâcher d'évoquer avec Gaetano, un camarade de la Fédération anarchiste, qui connaît bien cette affaire et donc qui va la développer avec nous. Alors peut-être on pourrait commencer par un côté plus historique, disons, redonner le, d'abord préciser le lieu et les dates auxquelles, enfin, durant lesquelles cette affaire va prendre naissance. Bon, disons que l'affaire Pinelli, bon, bien qu'elle soit relativement connue, on la connaît un peu par ses aspects, disons, anecdotiques, surtout dans notre mouvement, où, bon, Pinelli, ces dernières années, il était vu un petit peu comme, disons, le martyr de la cause. Bon, mais pour bien situer, si vous voulez, bon, ce drame, parce que de drame il s'agit, il faut voir que bon, ça s'est produit bon, en décembre 68, dans un contexte bien particulier. Ou disons 69, excusez-moi, hein. En décembre 69, dans un contexte bien particulier, qui était celui d'une répression très forte qui avait suivi des attentats qui avaient fait des nombreux morts à la Banque de l'Agriculture à Milan, l'attentat de Piazza Fontana. Bon. Bon, ça c'est le contexte, disons, général de la chose. Contrairement en France, où le mouvement étudiant de 68 qui n'avait pas été relayé sur le terrain social, en Italie, le mouvement de 68, lui, il avait eu une suite sur le terrain social par une radicalisation des luttes et qui s'était concrétisée pendant l'automne chaud de 69. À ce moment-là, il y avait eu un certain nombre d'affrontements entre les manifestants d'un côté et puis les agents de police. Il y avait eu des morts, soit d'un côté, soit de l'autre. Bon, donc dans ce contexte bien particulier de lutte sociale, il y a des bombes qui explosent. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas par qui. Deux bombes à Milan et deux bombes à Rome. Les bombes de Milan, elles font, je l'ai dit, 16 morts. Tandis que les bombes à Rome, à l'hôtel de la Patrie, un peu l'équivalent de l'Arc de Triomphe en France, eh bien, ils ne feront seulement des dégâts matériels. Alors, tout de suite, du jour au lendemain, il y a, au moment même que ces bombes éclatent, il y a les forces de l'ordre qui indiquent tout de suite qu'il s'agit là d'attentats perpétré par l'extrême gauche. Alors tout de suite commence une sorte de chasse aux sorcières dans les milieux d'extrême gauche pour découvrir les coupables. Et comme toujours dans ces cas-là, quand on veut chercher les coupables, des coupables bien précis, on finit toujours par en trouver. Quelques heures après ces bombes, il y a une perquisition qui est opérée dans un cercle anarchiste à Milan. Pinelli, qui à ce moment-là se rendait dans le local de ce groupe, il est appréhendé par la police et on l'invite à venir faire un brin de causette avec les policiers au commissariat. Bon, au fait, ce brin de causette, il sera très long. Pinelli, il sera gardé illégalement pendant 2 jours et 2 nuits. Et puis au bout de 2 jours, on découvre son corps écrasé en bas du 4e étage du commissariat de police de Milan. Mais je voulais te demander une chose, parce que depuis quelques années, disons, on est habitué ici en France à recevoir un certain nombre de nouvelles qui nous parviennent d'Italie, et ces nouvelles, quand elles ne concernent pas une crise gouvernementale, elles ont trait généralement au terrorisme. Le terrorisme est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre en Italie et aussi ici en France. Est-ce que quand ces attentats ont eu lieu donc en 69, c'est ça, à Milan, est-ce que c'était une grande première ou est-ce qu'ils se sont distingués? C'est-à-dire que dans les mois et les années qui précédaient, comment se caractérisait la situation en Italie? Il n'y avait pas du tout d'attentats ni terrorisme? Ou est-ce que ces événements, enfin ces bombes-là, ont fait, ont ouvert la voie à un terrorisme de grande importance par leur importance elle-même? C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de morts assez élevés dans l'attentat concernant la banque de l'agriculture. Est-ce que c'est ça qui a fait donc beaucoup parler de cet attentat, ou est-ce le fait qu'il y avait avant ces attentats un calme relatif en Italie? Bon, disons qu'en Italie, il n'y a jamais eu de paix sociale au sens où qu'on peut l'entendre en France, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des affrontements entre la police, les grévistes, il y a toujours eu, disons, une certaine dose de mort. Ça a toujours été des affrontements relativement sanglants pour un pays d'Europe occidentale. Donc, bon, cela dit, c'est certain que la bombe de Piazza Fontana, c'était une véritable première. C'est-à-dire, bon, ça on le verra si vous voulez par la suite, ça a vraiment, disons, depuis 10 ans, tous les événements qui se sont produits en Italie, on peut les reconduire d'une manière ou d'une autre à partir de ces événements qui se sont produits au moment de l'attentat, en décembre 69. Donc c'était vraiment une première, de tout point de vue, non seulement du point de vue, bon, de le côté sanglant, mais surtout sur le type de terrorisme. C'est-à-dire sur un type de terrorisme aveugle qui a servi et continue à servir encore actuellement tout à fait les intérêts et la stratégie étatique. Ça, c'est extrêmement important. Monsieur Lebon, on va le repréciser par la suite. Et l'extrême gauche, alors tu dis que l'extrême gauche a été dès la nouvelle connue, la cible première donc de à la fois de la police et aussi des médias, je pense, là-bas en Italie. Alors, cette extrême gauche, bon, comme ça, ces attentats se situent juste dans ce qu'on appelle l'après 68, est-ce que l'extrême gauche en Italie connaissait le succès, disons, croissant que, par exemple, l'extrême gauche a connu d'une certaine manière ici en France? Tout à fait, moi je dirais même davantage, parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, disons, il y avait eu un mouvement social qui s'était développé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement des mini-partis avant-gardistes qui voulaient faire passer leur stratégie, mais il y avait aussi des luttes réelles qui étaient menées par la base. Mais si vous voulez, bon, le projet, de ce point de vue-là, la signification profonde de ces bombes, apparemment, il est très clair. Il s'agissait de casser un mouvement que, pour la première fois, remettait en cause depuis au moins les années 20, remettait en cause directement la hiérarchie existante dans les usines. Pour la première fois, un mouvement radical, une lame de fond radicale qui englobait, disons, une partie relativement importante de la classe ouvrière qui, elle, visait à se généraliser. Bon, donc, dans ce contexte bien précis de lutte, ces bombes, elles ont tout au moins dans un premier temps rempli leur fonction, c'est-à-dire casser le mouvement. Bon, à partir de là, donc, il y a eu toute une tentative de criminalisation de la part de l'État, de l'ensemble des secteurs dits d'extrême gauche, c'est-à-dire y compris les anarchistes, et on a choisi à ce moment-là comme bouc émissaire, disons en quelque sorte le chaînon le plus faible, qui était constitué à ce moment-là par les groupes anarchistes. Et alors, on a tout de suite, du jour au lendemain, donc je l'ai dit, orienté les recherches vers les milieux anarchistes. Bon. Et beaucoup de choses laissent supposer qu'au fait, on avait déjà prévu à l'avance quels devaient être ces boucs émissaires auxquels il fallait mettre sont les boucs émissaires de ces attentats, et un de ces boucs émissaires devait être justement Pinelli. Mais, comme on va le voir, les choses ne sont pas vraiment allées tout à fait comme selon les projets de l'État. Radio Libertaire, 89.5 au 262 90 51. Je rappelle que nous discutons, nous devisons actuellement de l'affaire Pinelli, affaire qui se situe donc autour de l'année 1969 en Italie et plus précisément à Milan. Donc nous en parlons avec Gaetano, un camarade de la Fédération anarchiste. Alors on a vu donc en 69 une grande première, disons un peu tragique et signée avec les attentats qui ont lieu à Milan et notamment celui qui concerne la banque de l'agriculture où l'explosion d'une bombe fait un certain nombre de morts et qu'aussitôt après à la fois les réactions de la police et celles des médias vont se tourner immédiatement vers l'extrême gauche. Et si l'on peut inclure, disons, le mouvement libertaire au sein de cette extrême gauche, c'est sur ce mouvement libertaire, sur des militants anarchistes, que la répression va s'exercer. Et on l'a dit tout à l'heure, donc un groupe anarchiste italien va faire particulièrement les frais de cette répression, et au sein de ce groupe, un militant, Pinelli, qui va être invité à venir s'expliquer dans un commissariat milanais et comme je serais tenté de dire comme beaucoup d'autres, il n'en sortira pas vivant de ce commissariat puisqu'on le retrouvera dans la cour après être passé par la fenêtre du quatrième étage, je crois. Je voulais dire que de ce point de vue-là, on ne peut pas parler vraiment d'une nouveauté en ce qui concerne le fait de jeter des anarchistes par les fenêtres. Parce que, en fait, pareil, c'était produit aux États-Unis, dans les années 20, au début des années 20, où un anarchiste, il s'appelait Salcedo, avait été défenestré, pareil, pour des raisons purement politiques par la police américaine. On peut quand même parler de, si on ne peut pas parler de nouveauté, on peut parler de progrès, en mettant le mot entre guillemets, puisque Salcedo était, on l'a déjà dit ici, passé, je crois, par la fenêtre du 14e étage. Ce qui fait qu'en quelques années, il y a eu quand même un progrès de 10 étages, et c'est à ce genre de choses qu'on mesure les progrès en matière de démocratie. Alors on va revenir au sujet. Et donc, comment va s'opérer, disons, cette répression féroce qui va toucher le milieu libertaire? Bon, disons que bon, la police, très probablement, elle avait déjà choisi au préalablement quelles devaient être ses victimes. Et parmi ses victimes, il y avait Valpreda. Bon, Valpreda, c'était un militant anarchiste milanais. Un peu discuté, un peu marginal vis-à-vis du mouvement anarchiste, disons, officiel. Notamment, il avait eu un certain nombre de désaccords avec Pinelli, et la police voudra exploiter d'ailleurs ce type de désaccord avec Pinelli. Bon, Valpreda, qui était-il? Bon, c'était, disons, en quelque sorte, la figure idéale pour monter une provocation de ce point de vue-là. Bon, je l'ai dit, c'était un peu un marginal, c'était un danseur, qui avait eu des mailles à pâtir avec la police, qui avait essayé de l'acheter, lui il n'avait pas voulu, qui en même temps, bon, il avait été dénoncé pour avoir écrit un certain nombre, une brochure dans laquelle on outrageait le pape, etc., etc. Or, Valpreda, il s'était transféré par la suite à Rome, où il avait créé, avec des autres individus, un groupe qui s'appelait du 22 mars. Or, bon, c'est déjà à ce moment-là qu'il y a la provocation qui commence à se monter. À l'intérieur de ce groupe du 22 mars, il y avait deux infiltrés, un fasciste et un agent de police. Bon, donc, déjà, de ce point de vue-là, on avait préparé, disons, cette provocation de longue date. Alors on prend comme prétexte la montée de Valpreda à Milan pour paraître devant le juge d'instruction à cause de cette brochure d'outrage au pape, pour le mêler, pour l'impliquer dans l'attentat qui se produit au même moment. Est-ce qu'on peut expliquer le fait, parce que tu disais tout à l'heure que bon, l'extrême gauche est visée, et au sein de l'extrême gauche, il y a un maillon, disons, un peu plus faible, représenté par les groupes anarchistes. Comment est-ce qu'on peut expliquer la pénétration d'éléments fascisants ou même d'éléments policiers dans un groupe qui n'a pas une force véritable sur le plan social? Quel intérêt pouvaient trouver à la fois les fascistes et les policiers à pénétrer ces groupes alors qu'ils n'ont, comme tu as dit tout à l'heure, qu'ils ont une faiblesse, peut-être relative, mais enfin une faiblesse quand même? Mais disons, dans ce cas spécifique, cela peut être dû en tout premier lieu, disons, justement, à cette volonté d'utilisation de fins provocatrices de la part des groupements, enfin, des forces de l'ordre ou de la magistrature, etc., ou des services secrets. Mais disons que dans le contexte, bon, donc le fait qu'il y ait des indicateurs de la police qui cherchent à s'infiltrer dans l'ensemble des mouvements, non seulement d'ailleurs d'extrême gauche, mais aussi d'extrême droite, bon, c'est un des mécanismes traditionnels employés de tout temps par les forces de police. Plus surprenant, ça serait peut-être cette infiltration d'un militant d'extrême droite qui se faisait passer par un militant anarchiste. Bon. Mais cela, à mon avis, peut s'expliquer surtout par le contexte particulier de l'Italie de l'époque, qui a vu fleurir un certain nombre de groupements un peu ambigus, des gens qui se définissaient notamment Mao-Nazi ou Nazi-Mao, enfin je ne sais pas très bien, etc., etc., qui entretenaient sciemment une sorte de confusion du point de vue idéologique, au cri, je ne sais pas moi, de vivre la dictature fasciste du prolétariat, justement pour pouvoir espérer déstabiliser le pouvoir bourgeois, le pouvoir tout court, étatique tout court, et pouvoir par la suite tirer les marrons du feu à leur profit, quoi. On a vu que donc Pinelli n'était pas le seul à être impliqué dans cette affaire. On a parlé donc de ce militant au profil parfait de coupable vis-à-vis de la police et des médias qui s'appelle Valpreda. Alors comment va s'exercer donc la trame autour de Valpreda pour le présenter aux yeux de l'opinion publique comme le coupable parfait? Si vous voulez, il y a, de ce point de vue-là, bon, on a parlé d'une première du point de vue de l'utilisation du terrorisme comme moyen de gouvernement, mais il y a aussi pour l'Italie tout au moins une première d'utilisation des masses médias pour conditionner les gens. Comme jamais on avait pu le faire, même pas, je pense, au moment du fascisme. Et alors, dès l'arrestation de Valpreda, à partir d'un certain nombre de preuves douteuses, parce que l'accusation ne pourra retenir contre lui aucune preuve directe, les seules preuves à sa charge seront celles des deux infiltrés de son groupe, plus un témoignage d'un taxiste, d'un chauffeur de taxi qui s'appelait Rolandi, qui déclare avoir accompagné quelques heures avant l'attentat Valpreda devant la banque de l'agriculture et qu'il avait avec lui les valises qui contenaient les explosifs. Or, ce Rolandi, au fait, c'était pas du tout un texte très attendible. La preuve qu'il mourra, on ne sait pas très bien comment, un an ou deux après qu'on lui ait fait signer une déclaration au cas où il disparaîtrait d'une manière subite. Et au fait, bon, non seulement ce témoignage n'était pas très attendible, mais en plus, la reconnaissance à l'américaine qu'on avait fait de Valpreda, au milieu d'autres policiers, bon, on était truqués parce qu'on avait montré avant la photo de Valpreda à Rolandi. Donc, même du point de vue légal, les choses n'avaient pas été faites en règle. Mais disons qu'il y a toute une campagne de presse qui se déchaîne contre Valpreda. Alors, il faut expliquer comment ça se fait qu'une société, bon, peut-être pas parfaite, mais si gentillette comme la société italienne, ait pu donner naissance à une fauve humaine, parce que Valpreda sera devenu une fauve humaine, un monstre assoiffé de sang, etc., etc. Alors il y a tout un montage pour montrer le danseur raté qui est menacé de paralysie plus ou moins à long terme à cause d'une maladie particulière, etc., etc., pour expliquer donc cette haine féroce contre la société, son geste nihiliste. Bon, il y a dans tous les secteurs d'extrême gauche, les anarchistes, bien sûr, qui, à partir de là, ont essayé de monter tout un travail de contre-information, mais sur le coup, ce discours du pouvoir, cette manipulation par les masses médias, eh bien, elle sera très convaincante. Et alors, toujours dans cette mise en scène orchestrée par l'État, l'assassinat de Pinelli, parce qu'il faut bien parler d'assassinat, sera maquillé comme une sorte de suicide, c'est-à-dire que le commissaire qui se trouvait dans la pièce Calabresi aurait dit à Pinelli que son ami Valtreda avait reconnu sa culpabilité et qu'à ce moment-là, Pinelli, pris par une sorte de fureur, voyant tous ses idéaux s'écrouler, s'était jeté par la fenêtre en criant « c'est la fin de l'anarchie ». Bon, ça c'est pour la mise en scène officielle, mais au fait, cette manœuvre organisée par la, disons, par, on ne sait pas très bien par qui, on va le voir, n'est réussie qu'en partie. Parce que si effectivement, dans l'immédiat, on arrive à casser le mouvement ouvrier, on arrive à casser les grèves, on arrive à faire signer les accords salariaux, bon, pour la plupart des, dans la plupart des branches d'industrie, eh bien, à partir de là, il y a quand même une, tout un profond travail de contre-information qui est mis en place par l'ensemble des organisations, non seulement anarchistes, mais aussi de l'extrême-gauche, qui, dans l'espace d'un ou deux ans, ils arrivent à démonter pratiquement l'ensemble des mécanismes de celles qu'on va déjà, qu'on appelle déjà le massacre d'État. Alors tu dis que les médias et qui un peu trop souvent en Italie comme ici d'ailleurs, à chaque fois que des événements de cet ordre arrivent, puisent un peu trop leur information au sein des préfectures de police. Bon, explique la personnalité de Valpreda et ce qui l'a poussé à commettre des attentats par une sorte d'explication qui ferait d'ailleurs des scénarios peut-être assez marrants pour des films comiques. Alors tu dis qu'à cette tentative d'intoxication qui va quand même avoir un certain succès auprès de la population italienne, les anarchistes et l'extrême gauche italienne vont se livrer à ce qu'on appelle une contre-information, vont démonter point par point les explications officielles de la police et des médias. Mais outre ces anarchistes et cette extrême gauche, comment réagit face à ces événements la gauche italienne qui, au sein du mouvement ouvrier, pèse d'un poids quand même qui est important? Est-ce que la gauche italienne va reprendre à son compte le discours qui veut que l'extrême gauche se livre à une démagogie, à un extrémisme hors des réalités, etc. Quelle est la réaction de la gauche en Italie? Non, il faut reconnaître que même à l'intérieur, disons, de la gauche traditionnelle, il y aura des réactions saines. Bien sûr, toujours finalisé dans un objectif politique de conquête du pouvoir, mais ça sera toujours, il y aura quand même une réaction, des prises de position qui aideront aussi beaucoup les anarchistes, certains anarchistes, de s'en sortir à ce moment-là. Bon, ça, il faut en prendre acte. Il faut voir aussi que ces événements, ils se produisent avant 73, c'est-à-dire avant ce nouveau tournant, cette nouvelle pirouette du Parti communiste, avec sa main tendue aux catholiques et le compromis historique. Donc, si vous voulez, dans ce contexte bien précis, le Parti communiste, il fait encore figure, lui aussi, de parti d'extrême gauche. Et donc, il est, en quelque sorte, un peu obligé de défendre l'État démocratique contre les manœuvres réactionnaires de la démocratie chrétienne et des fascistes. Alors disons pour au niveau de l'information que bon à la suite de ces événements la police semblait tenir un coupable en la personne de Pinelli. Bon, ce Pinelli, la police va le suicider comme dirait l'autre. Et puis ensuite on a l'autre coupable qui est Valpreda. Alors le discours policier officiel va consister, une fois qu'on a prouvé, entre guillemets, la culpabilité de Valpreda, de faire passer précisément la défenestration de Pinelli comme un tragique accident. Et ce discours policier qui veut que Pinelli se soit jeté de lui-même de la fenêtre en criant l'anarchie est morte ou quelque chose de ce genre. Enfin, ça c'est pas des inventions des militants anarchistes italiens, c'est des choses qui figurent dans les déclarations officielles des flics italiens et en particulier en personne du commissaire du triste sire le Calabresi, qui on verra peut-être par la suite finira mal lui aussi. Et tout cela, il faut le dire, donc fait l'objet principal de la pièce de Dario Fo, La mort accidentelle d'un anarchiste, où un fou qui n'est pas si fou que ça se sert du discours officiel de la police pour démonter point par point cette argumentation qui veut que Pinelli se soit suicidé. Radio Libertaire au 262 90 51, où nous traitons de l'affaire Pinelli, marquée par les attentats de 1969 à Milan en Italie. Alors on en était resté au fait que à la propagande des médias, comme on l'a vu directement inspiré des déclarations de la police concernant la mort du militant anarchiste Pinelli, va donc s'opposer une espèce de contre-propagande, une contre-information, principalement animée donc par les anarchistes qui sont les premiers concernés, disons, dans cette affaire, mais aussi par un large secteur de l'extrême-gauche italienne. Alors cette contre-information de l'extrême-gauche italienne et des anarchistes, sur quel axe, sur quel point essentiel va-t-elle se développer ? Disons que, bon, pour schématiser, il y a trois axes principaux bon, qui nous intéressent directement. C'est tout d'abord prouver que Pinelli a été assassiné de la part des policiers qui se trouvaient dans cette pièce, dans le commissariat de Milan. Un deuxième axe, c'est celui de revendiquer l'innocence de Valpreda. Et puis le troisième, de voiler ce qu'on avait appelé la piste noire. C'est-à-dire que à la piste rouge, telle qui avait été choisie tout de suite après ces attentats par la police et par la magistrature, on allait opposer une autre piste, celle des fascistes, qu'on appelait noirs, si vous voulez, qui visait à montrer comment ce n'était pas ni les anarchistes ni d'autres groupes d'extrême gauche qui avaient organisé ces attentats, mais qui ces attentats étaient l'œuvre des fascistes italiens en liaison plus ou moins occulte, soit avec les colonels grecs, soit alors avec les services secrets italiens. Bon, donc tout d'abord, si vous voulez, on va parler du problème de Pinelli, même comme ça, en plus c'est le sujet principal aujourd'hui. Bon, si vous voulez, dans les mois qui vont suivre cette défenestration, donc le mouvement d'extrême gauche va se ressaisir et dans le quotidien L'Otta Continua, c'est un quotidien marxiste-léniniste à l'époque assez radical, commence la publication dès le début de 1970 d'une série de dessins humoristiques sur le brave Calabresi, qui était le commissaire qui interrogeait Pinelli, qui vont obliger celui-ci à déposer plainte contre ce journal. Au fait, c'est un mauvais pas de la part de Calabresi, parce que ça permet de relancer officiellement le débat autour de la mort de Pinelli. Donc, entre-temps, aussi la femme de Pinelli avait dénoncé l'État en tant que tel comme étant le vrai responsable de la mort de son mari. Donc il y a un procès qui commence presque un an après la mort de Pinelli, en octobre 70, entre d'un côté le directeur de l'Otta Continua et puis de l'autre Calabresi. Et au cours de ce procès, il y a toutes les contradictions, toutes les différentes versions données par la police qui sont mises en lumière. Par exemple, on vous l'a dit, le lendemain de cette tragique histoire, on avait affirmé que Pinelli s'était suicidé parce qu'on avait reconnu sa culpabilité ou tout au moins la culpabilité de son copain Valpreda. Tandis que quelques jours après, la police elle-même elle est obligée de reconnaître que Pinelli n'avait absolument rien à voir dans cette histoire, parce que il avait un alibi de personnes avec qui il avait passé tout l'après-midi à jouer aux cartes dans un bistrot. Bon, donc à partir de là, on ne comprenait plus très bien pour quelle raison Pinelli aurait dû se suicider. Donc, en deuxième lieu, il y avait eu des contre-expertises qui avaient prouvé que Pinelli n'était pas mort sur le choc, mais que au moment où il avait été jeté par la fenêtre, il avait été déjà assommé avant. Donc bon, on n'a pas pu bien établir s'il avait été tué avant qu'il soit jeté par la fenêtre ou s'il avait été simplement assommé. Bon, mais là aussi, c'est contre-expertise, donc ils vont démonter le mécanisme judiciaire. Entre-temps, bon, il faut aussi le dire, au même moment qu'il commence ce procès, il y a justement la pièce de Dario Fo qui commence à être jouée et qui va aussi contribuer en bonne partie à dévoiler cet embrouillot judiciaire. La position de Calabresi, bon, elle devient de plus en plus difficile, et pour la magistrature italienne, il devient un témoin gênant, qu'il peut craquer d'un moment à l'autre. Et alors, c'est sur ces entrefaits-là qu'en mai 71, il est tué par des inconnus dans Milan, des inconnus que d'ailleurs on ne retrouvera jamais, deux jours après qu'on lui avait enlevé son escorte personnelle. Ça n'a jamais été revendiqué le... Non. C'est-à-dire que c'était vraiment... on a voulu le liquider pour éviter qu'il, d'une façon ou d'une autre, puisse dévoiler ce qui s'était réellement passé. Bon, la mort de Calabresi, effectivement, va ôter une très grande partie de l'intérêt de ce procès qu'il y avait entre l'Octagontino et le commissaire. Mais disons que la magistrature va quand même continuer à enquêter et elle sera quand même obligée de donner une version, et une version qui va une nouvelle fois contredire les versions précédentes. Bon, si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas pu contrôler, je crois que c'est autour de 1975 qu'il y a eu enfin un aboutissement judiciaire de l'histoire de Pinelli, dans lequel... les magistrats ont dû reconnaître que Pinelli ne s'était pas suicidé, mais qu'il était tombé à cause d'un malheur subit qu'il avait eu en se penchant, en prenant une bouchée d'air du quatrième étage de la fenêtre du commissariat de Milan. Bon, si vous voulez, c'est vraiment un désaveu piteux de toutes les déclarations précédentes, et on a voulu expliquer ça par le fait que le devant de la fenêtre, il était particulièrement bas, donc le pauvre Pinelli, il avait eu la tête qui lui tournait, il était comme ça tombé en bas par un accident malheureux. Voilà. Mais les anarchistes sont imprudents. C'est... Oui, il avait voulu se pencher un petit peu trop et puis il avait perdu l'équilibre. Est-ce que la contre-information donc, à laquelle se livre l'extrême-gauche est... On a cité le quotidien Lotta Continua et les anarchistes. Alors, compte tenu du fait de la création de la pièce de Dario Fo qui se joue en Italie, compte tenu encore également du fait que les policiers ne cessent d'une version à l'autre de raconter des conneries et visiblement de se contredire, est-ce que cette contre-information va prendre corps au sein des gens à qui elle s'adresse, enfin au sein de la population italienne? Tout à fait. Mais on va voir comment, à partir d'un certain moment, si l'État, disons si le massacre d'État devient la grande honte du gouvernement italien, le gouvernement italien, en dernière analyse, il arrive quand même à se sortir de cette mauvaise passe en récupérant, disons, toutes les forces de contestation qui se manifesteront à ce moment. Bon, celui-là, ça sera peut-être un peu plus clair par la suite, mais disons qu'actuellement, en Italie, la version du massacre d'État, elle est couramment admise de la part de l'homme de la rue. Ou en tout cas, il n'y a plus personne qui vous dira que c'était Valpreda et les anarchistes qui avaient mis les bombes. Mais l'État s'en sortira quand même, parce que à côté de la version des anarchistes coupables, eh bien il fera en sorte qu'il y en ait plusieurs. C'est-à-dire il y aura les fascistes coupables, puis il y aura les services secrets coupables, puis il y aura des hommes politiques qui seront impliqués à l'intérieur d'un procès monstre qui durera une dizaine d'années et que au bout duquel, en définitive, bon, chacun pourra choisir sa vérité et grâce auquel l'État réussira à éviter son procès à lui. Au niveau de l'État italien à l'époque, qui est au gouvernement? Mais c'était la démocratie chrétienne. Et est-ce qu'on peut admettre que les hommes d'État italiens impliqués dans la démocratie chrétienne aient été à la base de cette opération pour désamorcer une contestation sociale et ouvrière croissante, ou est-ce que la version qui veut que dans les rouages de l'État italien il y ait des infiltrations fascistes, pour certains qui remontent à l'époque mussolinienne, etc., une espèce d'État dans l'État, si on veut, est-ce que cette version-là est plus plausible? Mais disons que les deux ne sont pas forcément contradictoires, hein. Les deux peuvent même aller tout à fait ensemble. Disons que c'est beaucoup plus difficile de se faire une idée précise. Parce que bon, à côté de la piste rouge, il y a eu cette piste noire qui a été, mise en lumière. Et alors, à côté de Valpreda, on a déniché d'autres coupables, des fascistes cette fois-ci. Freda et Ventura, c'était les principaux, qui auraient, eux, été les responsables non seulement des attentats de décembre 69, mais aussi d'autres attentats qui avaient eu lieu à Padoue et aussi à Milan et à Rome précédemment, toujours au cours de l'année 69. Mais si vous voulez, pendant un moment, il y a eu un très grand battage sur la culpabilité de ces personnes. Elles sont probablement, elles aussi, impliquées dedans, et c'est vraiment difficile, compte tenu de comment les choses ont été maquillées, de se prononcer réellement sur cette culpabilité. Et là, disons, l'État a tout de suite vu comment il pouvait tirer bénéfice, disons, de ces nouveaux coupables qu'on avait sortis. C'est-à-dire, d'un côté, c'était tout rouge, on a voulu faire quelque chose de tout noir. Mais au fait, il a renvoyé ces deux thèses dos à dos, en entretenant aussi toute une politique qui, à l'époque, était vraiment très à la mode, des extrêmes opposés. C'est-à-dire que soit la droite, soit la gauche, au fait, l'extrême droite et l'extrême gauche se rejoignaient tout au moins dans leurs pratiques. Et alors, son tour de force, c'était de vouloir fondre ensemble un procès qui devenait impossible à gérer, celui de Valpreda et de l'extrême-gauche, avec le procès de ces nouveaux coupables de Fred Ventura, qui c'était l'extrême-droite. Alors, il a pu réussir comme ça à faire traîner les choses pendant une dizaine d'années pour aboutir à un non-lieu pour insuffisance de preuves. Alors, on peut dire au niveau de l'anecdote ou du détail que d'ailleurs en ce qui concerne les fascistes comme Freda et Ventura mêlés à cette affaire, eux quand ils se penchent aux fenêtres, c'est pas pour tomber, c'est plutôt pour s'évader. Ils vont connaître un sort un peu plus heureux, disons, que celui qu'avait connu Pinelli, puisque je crois l'un comme l'autre vont disparaître. Oui, mais je crois qu'ensuite ils ont été arrêtés, demande d'extradition. Disons que tout cela, ça s'est perdu au cours des années. Et moi, c'était paru dans les journaux pendant un moment, mais ça m'a, je pense, venir très net de comment ça s'est terminé pour Fred Ventura, ce qui veut dire beaucoup de choses. Mais si vous voulez, bon, ce qu'il s'est passé. L'État, dans un premier temps, donc il a essayé de monter ce procès contre Valpreda. Bon, mais au fait, je vous l'ai déjà dit, il n'y avait pas eu de preuves directes contre lui. Bon, Parmi les trois personnes qu'il accusait, bon, il y en a un qui meurt, on ne sait pas très bien comment, les deux autres, c'est des policiers, des fascistes. Dans ces conditions-là, on comprend bien comment l'État n'avait absolument pas intérêt qu'il y ait un vrai procès Valpreda. Et d'ailleurs, le procès qui commence le 23 février 72, c'est-à-dire plus de deux ans après que les bombes éclatent, eh bien, il est tout de suite, quelques mois après, transféré à Catanzaro, dans le sud de l'Italie. On a une très importante campagne qui est menée pour la libération de Valpreda. Disons que Valpreda lui-même, à ce moment-là, il se laisse embarquer dans une histoire un petit peu ambiguë, parce qu'il accepte de se présenter comme candidat dans les listes du Il Manifesto, parce que s'il était élu comme député aux élections de 72, à ce moment-là, on aurait été obligé de le mettre en liberté provisoire. Bon, et Valpreda, à ce moment-là, il décide de se prêter à cette manœuvre politique et politicienne de la part de ce groupement d'extrême-gauche. Il y aura beaucoup de camarades anarchistes qui le critiqueront à ce moment-là. Bon, on peut comprendre la position personnelle de Valpreda innocent, qui n'a pas envie de passer sa vie en prison pour avoir rien fait, mais du point de vue militant, bon, il y a eu des gens qui ont eu des remarques à lui faire à ce moment-là. Disons qu'enfin, de toute façon, Valpreda, il n'est pas élu député, il n'arrive pas à avoir assez de suffrages. Disons que pour éviter cette situation aberrante, et comme de toute façon, ce procès ne doit pas se faire, le 1 décembre 72, il y a une loi qui est votée, qui s'appelle la loi Valpreda, qui autorise Valpreda à être mis en liberté, parce que sinon il n'y avait pas d'autre moyen pour résoudre, disons, cet embrouillot juridique. Donc le procès Valpreda, par la suite, il sera fusionné avec une procédure d'accusation contre Fred Ventura, et il va traîner comme ça pendant une dizaine d'années, donc jusqu'au dévouement final qui, au fait, laissera tous les points obscurs tels quels. C'est-à-dire qu'il n'y aura absolument pas de vérité qui se sera faite sur cette question. Chacun pourra prendre la sienne, non seulement, mais l'État, il ne reconnaîtra pas sa culpabilité, même d'une façon indirecte, parce qu'il mettra Valpreda en liberté définitive, disons, parce que par insuffisance de preuves. Et il y a même eu, je crois, l'année dernière, il y a deux ans, une tentative de relancer le procès, et de remettre à nouveau, si vous voulez, Valpreda derrière les barreaux, parce que en essayant de le représenter à nouveau comme le vrai responsable de l'attentat. Et cela, si vous voulez, après 10 ans de contre-information, après 10 ans de dénonciation de ces manœuvres de l'État. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans maître au 262-90-51. Alors pour conclure sur cette tragique aventure, tragique surtout pour Pinelli, bien entendu, puisqu'il y a trouvé la mort, et surtout ces événements nés en 1969 à Milan, en Italie. Quel est le bilan, disons, rapide que l'on pourrait tirer de tout cela, presque 15 ans après leur début? Moi, je suis convaincu que, bon, je l'ai déjà dit, ces bombes ont commencé un cycle de lutte en Italie, au fait. On révélé l'existence d'un type nouveau de rapport de force, d'un nouveau type d'affrontement entre, d'un côté, les forces prolétariennes et, de l'autre côté, les forces répressives de l'État. Disons que 10 ans après, ceci qu'il s'est achevé, ben il s'est achevé dans la répression. On se retrouve, en quelque sorte, à mon avis, actuellement en Italie, un peu au même point de départ qu'en 69, mais avec un État italien renforcé qui a su en définitive intégrer toutes les différentes forces de contestation qui se sont manifestées au sein de la société italienne depuis 10-15 ans. Est-ce qu'on peut dire que, bon, de toute façon, il est clair que compte tenu des résultats que l'on a su assez rapidement, disons, grâce à la contre-information menée par l'extrême-gauche et les anarchistes, que à la base de ces attentats et à la base de la mort de Pinelli et des ennuis de Valpreda, il y a une vaste machination, une vaste opération de la part de l'État lui-même, même si c'est pas l'appareil politique dans son entier, c'est au moins le fait d'une partie importante de cet appareil politique avec des liaisons dans le mouvement d'extrême droite et le mouvement fasciste qui a quand même une certaine importance, disons, en Italie. Est-ce qu'on peut dire que l'utilisation du terrorisme, puisqu'il y a là une claire utilisation du terrorisme dont la responsabilité est rejetée sur le dos d'un autre secteur, bien évidemment, par ceux-là même qui en sont les inspirateurs, est-ce qu'on peut dire que ça s'est poursuivi dans les années suivantes en Italie à travers le développement de ce terrorisme, justement? On a vu naître dans les années qui vont suivre en Italie les histoires des brigades rouges, de Prima Linea, etc., etc. Enfin, autant de groupes qui se réclamaient quand même d'une certaine idéologie de gauche ou d'extrême gauche. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, à travers ces groupes, une même imbrication à travers l'appareil d'État, les mouvements proches de l'extrême droite, etc.? Est-ce que c'est cette utilisation du terrorisme qui est claire dans l'affaire de Milan qui continue, ou est-ce qu'on a affaire à un terrorisme qui n'a plus rien à voir avec ça? Bon, il faudrait peut-être éviter de tomber un peu dans le piège d'une définition trop générique du terrorisme. C'est évident qu'on ne peut pas mettre dans le même sac la stratégie de lutte armée qui était menée par des organisations marxistes, léninistes, staliniennes, ou moins staliniennes pendant un moment, qui croyaient qu'il était venu le moment de porter l'attaque au cœur des institutions, au cœur de l'État, et puis d'un autre côté, cette utilisation, disons, primaire de la violence aveugle, dont une des manifestations les plus éclatantes était l'attentat de Bologne, à la gare de Bologne, ces dernières années, c'est-à-dire une bombe qui éclate, parfois on la revendique, des morts partout, et puis le sentiment d'impuissance à partir de là, sous vide, donc l'intervention de l'État qui se porte comme le seul garant, comme la seule force capable de rétablir une ordre, une rationalité dans une société où apparemment tout fout le camp. Non, donc il faut faire quand même une différence. N'empêche que là où effectivement on peut tout faire remonter en 69, moi je l'ai dit, c'est le nouveau type de rapport qui s'est instauré entre d'un côté les forces prolétariennes et puis de l'autre les appareils de l'État, d'un côté le patronat, puis de l'autre les forces répressives à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a eu un autre type d'affrontement beaucoup plus violent, beaucoup plus direct, et avec des beaucoup plus d'hémoglobine d'un côté et de l'autre. C'est dans ce sens-là, donc on peut faire démarrer, on peut expliquer les 10 années qui viennent de 10-15 années qui viennent de s'écouler en Italie à partir des événements de 69. Bon, d'un côté, il y a eu à partir de la dénonciation de la piste noire la dénonciation de la politique des extrémismes opposés de la démocratie chrétienne, toute une dénonciation du péril d'un fasciste. Disons cela, ça a duré jusqu'à peu près en 75-76, parce que aux élections en 72, je crois, il y avait eu une très forte poussée des forces d'extrême droite qui avaient fait craindre une fascisation, disons, de la société italienne. Donc à partir de là, il y a eu un tas d'organisations d'extrême-gauche qui ont centré la plupart de leurs objectifs stratégiques dans la mise hors la loi, par exemple, du mouvement social italien, dans cette lutte contre le fascisme. C'était pas ça la vraie lutte de fond qu'il fallait mener. Puis d'un autre côté, il y a eu une lutte parallèlement des travailleurs qui s'est développée sur un plan de plus en plus radical, de plus en plus autonome, avec des gens à l'intérieur même de ce mouvement qui ont cru de pouvoir hausser le niveau de l'affrontement et de passer, disons, à la lutte armée, et disons, choix que par la suite, on a pu constater, il s'est montré extrêmement nocif, suicidaire, non seulement pour les gens qui l'ont fait, mais surtout pour le mouvement social italien. Et actuellement, après ce cycle de lutte qui a eu lieu, qui vient de s'achever, eh bien, on se retrouve, moi je le répète, un petit peu au même point de départ, c'est-à-dire avec une nécessité de reconstruire un mouvement révolutionnaire qui actuellement s'est cassé les dents en Italie, après la poussée de 77 notamment, mais avec quand même cette différence que les méthodes répressives de l'État italien, qui à l'époque, avant 69, restaient quand même un petit peu bon enfant, l'État italien il était considéré comme le symbole même de l'inefficacité, eh bien on peut dire que maintenant c'est absolument plus le cas. L'État italien, il a réussi vraiment à grande peine, ça, il faut en être conscient aussi, mais il a quand même réussi à surmonter toutes ces épreuves, et tout au moins dans l'immédiat, il y a quand même un avenir très positif qui l'attend. Même maintenant, ça fait déjà pas mal de temps, malgré la conviction que nous avons, et pas seulement nous les anarchistes, que les anarchistes italiens n'ont été pour rien dans cette affaire d'attentat, sinon les instruments désignés par l'État pour les faire passer comme coupables aux yeux de l'opinion publique, il est certain qu'une propagande comme celle qui s'est développée à la suite de ces attentats de Milan, et à la fois sur Pinelli et surtout sur Valpreda, marque de toute façon un mouvement quel qu'il soit, et pas seulement un mouvement libertaire. Comment est-ce que le mouvement anarchiste italien s'en est tiré, disons, de toute cette néfaste propagande? Moi, je pense que, bon, un peu paradoxalement, du point de vue militant anarchiste, l'affaire Valpreda et Pinelli a un petit peu relancé le mouvement, dans la mesure qu'a permis, disons, depuis très très longtemps, de réaliser une sorte d'unité, de l'ensemble des camarades, autour d'un thème qui était celui de dénoncer le massacre d'État et réclamer l'innocence de Valpreda. Donc ça a permis une sorte de croissance qualitative du mouvement anarchiste italien, une sorte de prise de conscience. Et c'est à partir de ce moment-là, disons, que le mouvement anarchiste italien a recommencé, après le passage à vide des années 50 et 60, de réapparaître sur le devant de la scène. Bien, ben voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, à moins que tu aies une autre chose à rajouter. Alors voilà, c'était pour, disons, on avait décidé de faire cette émission et d'expliquer ce qu'avaient été les attentats de Milan en 1969 et à travers eux l'affaire Pinelli, puisque, je le rappelle, nous avions l'intention d'accueillir ici jusqu'à 14h Valeria Tasca et José Guéno, qui sont respectivement dont la traductrice de la pièce de Dario Fo qui tourne autour de cette affaire Pinelli. Elle traite plus précisément de la façon dont les policiers se sont débarrassés de ce militant anarchiste en le jetant par la fenêtre d'un commissariat de Milan. Et José Guéno est le responsable des éditions dans lesquelles est paru ce texte de Dario Fo, Mort accidentelle d'un anarchiste. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Et je le rappelle encore une fois, cette pièce est toujours jouée au théâtre La Bruyère à Paris, rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement. Et encore une fois, donc, j'invite les auditeurs de Radio Libertaire à se rendre au théâtre La Bruyère pour assister à cette pièce, d'abord parce que c'est une très grande pièce, je pense, on peut le dire, et puis ensuite parce qu'ils bénéficient d'une réduction s'ils ont la carte de Radio Libertaire, ce qui n'est jamais négligeable. Voilà, merci donc Gaetano pour toutes ces précisions, et on va conclure par de la même façon qu'on avait commencé, en écoutant la ballade pour l'anarchiste Pinelli, une chanson extraite d'un disque intitulé « Chants anarchistes italiens ».